Ces jours-ci, le parti du peuple sud-coréen est condamné comme traître à la population qui apporte la bougie et est instrument des forces conservatrices. Il y a quelques jours, le délégué du parti Ahn Cheol-soo s'était opposé à la liquidation des habits conservateurs dans le but de jouir du soutien de la couche conservatrice. Et il a été rejeté par les partisans du parti et autres populations de toutes les couches qui ont réclamé de le supprimer dans le monde politique puisque c'est la parole défendant Bakune et Lee Myung-bak. Selon les sondages des presses sud-coréennes, le taux de soutien du Parti du Peuple n'atteint qu'à peine 5 ou 6%, soit le plus bas des partis au pouvoir et de l'opposition sud-coréens.